chaud, toi. T'as kiffé ou quoi? Échantillon corrosif. L'époque où on dealait sur les coins de rue, on l'enterre. Quand on change de produit, on change de marketing. Hey, score place dans la prod. On dit quoi? Let's go. Moi c'est Nervi, un jeune MC du 9-2. Ouais, je viens de mon vieux et je m'introduis dans le jeu. D'entrée, je vous le veux, dangereux sauf qui peut. Laisse-moi passer, fais de la place au tout peu. Sors les couverts, je m'installe, passe à table, un sable en freestyle. Tu vois le tableau, c'est le premier opus. Faut que les gars se bousculent et que les gos bougent leur cul. Quand le produit, je le propulse. Pousse la basse, que j'ambiance et glisse dans ton casque. L'élégance du style official, la concurrence est gifler, fichard. Virer les pleurs, nichards. J'sais que les chemins sont minés d'embûches, mais j'avance dans ma lutte, évitant qu'on me trébuche. Rabuge, rabuge pour les grosses putes qui chahutent. C'est la chute tragique, face au poids de ma plume. Le trajet est taché de bâtards à trancher. Attaché, aux ceintures, j'décolle de mon QG. Danger, installé comme un colis figé. J'injecte, le virus a propagé. Un petit rappeur galadal, un animal sur instrumental qui pourra pour ses chacals. Venu faire mal, le rap en otage. Si tu connais pas le plat, sache que t'es pas à la passe. Nervi, lève les bras ou mets-toi la braquage. Nervi, le H, homicide et saccage. Nervi, un jeune MC du 9-2. Ouais, je viens de l'amour vieux et je m'introduis dans le jeu. Viens vu, fais un tour dans mon univers. Plein d'effets divers, passe l'été comme l'hiver. À libérer mes nerfs avec la vie en missionnaire. Pour finir mes vers, à en perdre le sommeil. Je suis ce mec qui se lève quand se couche le soleil. Qui rêve de paix, grosse comme mes couilles pleines. Ça fait carry, pas fashion comme un boy's bed. Je n'aime pas les problèmes, les histoires de bang bang. Tiffle les plans, tum tum avec chien à quête. Partir en mode boom boom, sexe machine. Les millions au boom boom. Mais les sous alphas peuvent aller se faire. Creux éternes à terre, rarement à l'heure. Qui ouvre sa gueule, tempérament de râleur. Sérieux si nécessaire, c'est nos gros déconneurs. Ne pense qu'à la rigolade, avec le chien du collal. C'est bien ce Renoir, de Kinshasa qui sort du trou noir. Qui fout là, deux mères au micro dans le tournoi. L'ami fait près de moi, présentation fait man. V'là le cum qui vient ken le game et lui faire man. Un petit rappeur galada, un animal sur instrumental qui pourra pour ses chacals. Venu faire mal, le rap en otage. Si tu connais pas le plat, sache que t'es pas à la passe. Nervi, lève les bras au micro, y'a braquage. Nervi, le H, homicide et saccage. Nervi, un jeune MC du 9-2. Ouais, je viens de l'amour vieux et je m'introduis dans le jeu. Les âmes sensibles à terre, ma rime part en guerre. Faut l'accord parental pour les toucher sa mère. Amère et la saveur, 92 fureurs. Dans la rime ou ailleurs, on a les meilleures douleurs. Tuteur, vulgaire, Mike exécuteur. Écrase les suceurs sous ma pulgaire. Sous scène comme une flamme, prenne un camion citerne. Visage citerne, les principes sous terre. Perturbateur, élément gênant pour ces gens aisément. Je les gémo salement. Tout au son du salmo, sur beat, vite c'est pur. Inspiré du vécu et vu sous la pleine lune. Pour les saltins, j'annonce un saltant. Elles sont trop sur le lit et font des saltons. Ne laisse pas gros, car on fait pas de cadeau. Et si tu te feras tarot, vite tu seras KO. Faut que j'ajoute des points à mon compteur. Crier victoire face aux bâtards qui portent l'œil. Nouvelle époque, j'inscris mon nom, mon pote. J'arrive avec ma horde, tout ce qui c'est mon tort. Nervi, un petit rappeur galada, un animal sur instrumental qui pourra pour ses chacals. Venu faire mal, le rap en otage. Si tu connais pas le plat, sache que t'es pas à la passe. Nervi, lève les bras au micro, y'a braquage. Nervi, le H, homicide et saccage. Nervi, un jeune MC du 9-2. Ouais, je viens de l'amour vieux et je m'introduis dans le jeu. Échantillon corrosif, c'est toujours pas fini. Eh, c'est que le début, tranquillement, calmement. Calmez-je, changez, tirez.